alors que je cherchais de l'espoir, un sens à mon histoire. On m'a dit que j'étais le fruit du hasard, et tout est devenu brouillard. Et Dieu dans tout ça, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Que peut bien faire cette croix face à ce triste constat ? Si Dieu est Dieu et qu'il nous aime vraiment, pourquoi nous laisserait-il seuls face au néant ? On déploie tant d'efforts pour continuer d'y croire encore. Certains disent même que Dieu est mort. Ils n'ont peut-être pas tort. Pourtant, lorsque je me suis mis à chercher, j'ai découvert la réponse que Dieu nous a laissée. Il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est fait humain pour partager notre destin. Dieu sous forme humaine afin de mieux comprendre nos peines. Jésus sur cette croix, c'est Dieu qui prend sur lui nos erreurs et prouve que celui qui ose le chercher trouve la réalité de son cœur. Jésus sur cette croix, c'est Dieu qui prend sur lui nos erreurs, pour permettre à chaque homme de se réconcilier avec le Créateur. C'est ainsi que même dans la pire des histoires, peut naître un véritable espoir.